toi sous ces faux airs, je cache de l'avenir comme un interrupteur sur lequel on appuie, espérant le bonheur, mais en vain être surpris quand l'incertitude me demande où je vais. Je vais semer mes doutes, m'éloigner de ce que j'aimais. À la rencontre d'un avenir incertain, retrouver en moi-même le goût du genre humain. L'envie d'être vivant.